Ramadan. Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique. Durant ce mois, un jeûne strict doit être observé du lever du soleil jusqu'au coucher. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Les mérites mentionnés dans les traditions prophétiques authentiques de jeûner ce mois sont nombreux. En voici quelques-uns. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Allah a choisi l'adoration du jeûne pour lui-même et il récompensera personnellement le jeûneur en multipliant sa récompense, comme il dit dans un hadith qudsi, « Excepté le jeûne que je rétribuerai personnellement. » La nuit du destin est présente durant ce mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Celui qui prie durant cette nuit avec foi et espoir en la récompense sera pardonné de tous ses péchés passés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah sauve de l'enfer chaque nuit du mois de Ramadan un certain nombre de personnes. Hadith rapporté par Tirmidhi et Al-Hakim qui l'a authentifié. En effet, le mois de Ramadan est comme une institution morale qui enseigne la vertu et la piété. Lorsqu'un musulman jeûne, non seulement il s'abstient de manger, boire et avoir des rapports, mais en plus, il s'efforce avec vigueur de son mieux d'éviter toutes les mauvaises actions qui peuvent invalider son jeûne. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas grossier et qu'il n'agisse pas avec rudesse. » Si quelqu'un le provoque, qu'il dise « Je jeûne, je jeûne. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a aussi dit « Quiconque ne délaisse pas le mensonge, Allah n'a que faire de son abstinence de nourriture et de boisson. » Hadith rapporté par Al-Bukhari.